radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Zik Actu. Et ce soir, nous allons parler d'un thème bien particulier. Nous allons parler du rock français. Le rock français, ça existe depuis très longtemps, on va dire peut-être depuis 76, depuis la création de Téléphone. Et ça, il y a toujours des albums de rock français qui sortent. On a pas mal de sorties ce mois-ci. Et du coup, j'ai trouvé que c'était la bonne occasion pour retracer un peu toute cette histoire. Il y aura forcément des oublis. C'est forcément orienté vers les groupes que moi j'apprécie le plus. Mais tout d'abord, pour commencer, je vous propose d'écouter Java, qui fait pas du rock français, mais... En tous les cas, qui en parle, et ça nous permettra d'avoir un titre et même une problématique pour cette émission. C'est parti, Java, avec le titre « Ouais ». Il a plongé ma peine au café commerce. Autant en faire son gagne-pain, mon fond tiroir caisse. Traite-moi de bon franchouillère, je te l'accorde, je suis bon, mais bon comme du bon bâtard. J'ai trouvé le bon filon, ouais. Je pourrais plus m'en détacher, ouais. Autant y aller à fond. Se vautrer dans tous les clichés. J'ai beau chercher l'idée qui détonne. Je crois que j'avais déjà tout dit dans mon premier album. Depuis faut sortir la tête du formol. T'as le vice, fou de pavillon, paracétamol. De toute manière, le rock français, c'est aussi absurde que faire du anglais. Et la différence entre le rock et le vin est fondamentale. Le vin s'habille bien, le rock s'habille mal. Y'a plus le jazz, les années folles. Et voilà, si vous avez bien suivi, la question c'est ça. Il nous dit le rock français, c'est aussi absurde que faire du vin anglais. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une heure pour traiter cette question. Et je récupérerai votre dissertation dans une petite heure. En tous les cas, moi de mon côté, je vais essayer d'y répondre. Est-ce que le rock français, ça a un sens? Parce que le vin anglais, a priori, ça n'en a pas. Donc le rock français, est-ce que ça a un sens? Eh ben, on va retourner, aller presque 30 ans en arrière avec le groupe Téléphone. Et le titre, ça c'est vraiment toi. Pour moi, c'est la base du rock français. On écoute ça. Téléphone, vous connaissez déjà, mais ça fait toujours plaisir. Talk. Voilà, c'était Téléphone avec Ça c'est vraiment toi. On est à la base du rock français, ça y est, on a de l'énergie du rock et on a les paroles en français. Les paroles en français, parlons-en, on est quand même pas loin des paroles anglaises en fait qu'on aurait pu traduire en français de façon assez simple, et donc on n'en est pas encore dans la poésie comme on pourra l'être un peu plus tard. Voilà, Téléphone, c'est un groupe qui aura duré 10 ans, de 76 à 86, avec Jean-Louis Aubert à la guitare et au chant, Louis Bertignac qui était aussi à la guitare et au chant, donc eux ils ont eu des grandes carrières à la suite de Téléphone. On avait Richard Kolinka à la batterie et Corinne Marieno à la basse et au chant aussi. Et donc voilà, le groupe s'est reformé cette année là en 2015, même à la rentrée 2015, pour au moins un concert à Paris. Et il y avait potentiellement une date à Lyon, je sais pas si ça s'est vraiment fait. Il y a eu tout un tas de rumeurs en fait sur leur reformation depuis que le groupe s'est arrêté, et donc ça s'est enfin fait en 2015. Bref, Téléphone, c'est la base. Ensuite, la poésie est rentrée dans le rock grâce à un groupe qu'on connaît aussi qui s'appelle Noir Désir. Et j'avais envie de vous passer un extrait de l'album 666-667 Club par lequel j'ai connu ce groupe. Et ce titre, c'est Comme elle vient. C'était Comme elle vient de Noir Désir, un excellent titre comme il y en a tellement dans la carrière de Noir Désir, qui est en fait très varié. Il y a eu pas mal d'albums et ils sont tous assez différents les uns des autres. Je vous conseille évidemment de réécouter l'intégrale de Noir Désir, ça fait toujours du bien. Donc le leader de Noir Désir, c'est Bertrand Cantat, et le groupe s'est arrêté en fait à partir du moment où il a été en prison pour l'homicide de Marie Trintignant, ce qui a compliqué vraiment la donne. Le groupe est né dans les années 80 et donc est né et est mort après 2003. Et là, ils ont. Enfin, c'est quand même à la fois le début et le summum du rock français poétique, on va dire, parce qu'il y a peu de groupes qui ont égalé Noir Désir. À part peut-être moi, mes petits chouchous, ça serait Eiffel. Eiffel avec ce même côté incisif. Voilà, Romain Humeau, Bertrand Cantat, on sent qu'ils sont de la même école. A priori, ils sont de la même ville, si ma mémoire est bonne. Donc, on sent un lien de parenté très fort. Et Eiffel a bien repris le flambeau après 2003. Et on écoute par exemple le titre Bigger Than the Biggest, contrairement à son titre, c'est en français et c'est sur l'album Tandoori. On écoute Eiffel. Céleste, qui est belle le monde, quand l'heure de time is money. par des mégas sauvages, c'est sur le chaos ils m'ont dit. Eiffel avec Bigger Than The Biggest. Moi, je trouve que ce titre déchire. Et là aussi, c'est le cas pour pas mal de morceaux d'Eiffel. Ça, c'était donc l'album Tandoori, sorti en 2007. Eiffel, donc, s'est orienté autour de Romain Humeau et Estelle Humeau. Particulièrement Romain Humeau, qui est quand même le leader charismatique du groupe et qui a une créativité débordante, qui a participé à plein de projets. Récemment, donc Eiffel est en pause depuis quelques années, 3 ans, quelque chose comme ça, pour pouvoir justement faire des projets un peu en dehors. Il a fait notamment un album, un concept album autour d'un texte sur Vendredi, je crois, sur Robinson Crusoe, donc ça s'appelle je crois Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, si ma mémoire est bonne. Vous cherchez Romain Humo et donc vous trouverez ça assez facilement. C'est un roman mis en musique. C'est assez impressionnant à écouter, assez poignant. On continue, on va revenir un peu en 2001 avec un groupe pour lequel j'avais beaucoup d'espoir. J'ai été un peu déçu par la suite. Ça commençait bien, ça s'appelait Luc, ça s'appelle toujours Luc d'ailleurs. Et l'album par contre s'appelait La Vie Presque. Et le premier titre c'était Se Taire. Et moi dès que j'ai écouté ça, ça m'a énormément plu, c'était en 2001. Avec le titre Se Taire, premier titre de l'album La Vie Presque, sorti en 2001. Moi je trouvais ça super bien, il y avait un son vraiment particulier, du texte, vraiment une belle énergie, une belle mélancolie. Et quelques années après, le deuxième album sort, ça s'appelle La Tête en Arrière, et vous devez connaître ce titre, ça s'appelle La Sentinelle. Est-ce que la fièvre un délit d'opinion. Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Mon cri sert de silence aux fossoyeurs de compassion, aux mijaurés de la suffisance, aux incendiaires de l'unisson. Quand un sourire décède d'avoir souri à l'opinion, à cette soupape, cette sainte-attelle, j'aurais pu encore dire non. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Voilà, là on était en 2004, donc avec Luc, le titre La Sentinelle, qui était un grand tube quand même, qui a pas mal tourné à l'époque. Et on va, voilà, le son a déjà bien changé, la voix a changé. On est clairement dans l'héritage de Noir Désir, pas loin d'Eiffel, et avec une voix qui peut aussi faire penser à Damien Saez. Et maintenant, on fait un bon 11 ans en avance et on écoute l'album qui vient juste de sortir de Luc, qui s'appelle Pornographie, et le titre s'appelle Warrior. Et là, on est très très près de la voix de Damien Saez et on est dans une toute autre énergie. On écoute Warrior de Luc. Je vous baise. effacer toute l'histoire et le sang sur les murs de vos conquêtes. Pour faire oublier le carnage, je mets du rose sur le mur couleur merde de vos vies. Pour faire taire les murmures comme quoi je suis un loup dans une bergerie. Qui je suis ? C'était Luc avec le titre Warrior. On retrouve vraiment le ton rageux de Damien Saez et toujours cette énergie rock française côté contestataire assez propre du coup à ce style de musique. Dans les volontaires pour succéder à Noir Désir, on a eu donc Eiffel, Luc et on a aussi Deportivo, un groupe dont on a peut-être un peu moins entendu parler mais qui sort en 2005 un album qui s'appelle Parmi eux, sur lequel figure ce titre La Salade. On écoute tout de suite Deportivo. C'était donc Deportivo dans Zik Actu, vous êtes toujours sur RDB, et on traite le cas du rock français pour cette émission spéciale, une émission thématique, donc pas spécialement sur l'actualité, mais on parle aussi d'un peu d'actualité, il y avait notamment l'album de Luc qui vient de sortir. Donc là c'était Deportivo, c'est leur premier album, il y en a eu quatre, avec toujours une énergie vraiment qui leur est propre, un sens de la mélodie et donc de l'énergie qui moi me fait penser à Nirvana, un peu le côté, ça serait un peu les Nirvana français. Au niveau du texte, là c'est hyper pour eux, on sait pas trop où ça va mais ça sonne, les mots sonnent en fait et peut-être c'est peut-être eux qui font à mon sens le mieux sonner les mots. On est dans une dans une poésie assez absurde, assez surréaliste, mais ça a son charme aussi. De l'autre côté, on a les cousins un peu du métal, du rock métal. On a l'Ofofora, on a un groupe dont j'ai Massisteria, ça y est, ça revient. Et on a aussi No One Is Innocent, un groupe que moi j'apprécie beaucoup, qui a sorti pas mal d'albums, qui en sort un qui s'appelle Propaganda là en ce moment même. On revient très loin en arrière avec le premier album de No One Is The Sun pour voir un peu d'où on part. C'était un album qui est sorti en 1994, donc on est 20 ans en arrière avec le titre Épargne-moi. Yeah! Voilà, vous écoutez le son de No One Is Innocent en 94. No One Is Innocent sortira deux albums avec cette formation, à un guitariste près. Et donc avec ce son plutôt metal, rock metal, un peu propre aux années 90. Un peu cousin avec les Rage, finalement, Rage Against the Machine. Et maintenant, on va repartir 21 ans plus tard avec le nouvel album de No One Is Innocent. L'album s'appelle Propaganda, c'est sorti en juin 2015. Et le single s'appelle Charlie. La poudre, l'infâme qui résonne. Chaos debout, je ne sens plus rien. Oh pauvre Marianne orpheline, y a pas que Charlie qu'on assassine. Yeah. Un coup de provoque, ils se battent au front. Tu rires aux larmes. Charlie de No One Is Innocent, et vous aurez bien évidemment compris que c'est une réponse aux événements du 11 janvier à Charlie Hebdo. Voilà, entre-temps, entre les deux premiers albums de No One Is Innocent et la reformation du groupe en 2004, il y a eu une histoire un peu particulière. Kemar a fait, donc le chanteur, a fait un album solo qui a pas trop marché, et en fait il a décidé de reformer le groupe, mais sans aucun autre membre du groupe. Alors Universal a racheté le nom. Et lui, il a retrouvé des petits copains pour jouer avec lui, et donc ça s'appelle à nouveau No One Is Innocent, mais finalement, à part lui, il y a personne en commun, en fait, sur cet album de 2004 qui s'appelle Revolution.com, qui n'en demeure pas moins un bon album, mais l'ADN du groupe est plus du tout le même, en fait, à mon sens. Parallèlement à ça, on a un petit groupe qui nous vient de Valence, qui s'appelle Dionysos, et qui a fait son bonhomme de chemin à grands coups d'albums, avec beaucoup beaucoup d'albums, et surtout des concerts absolument incroyables. J'avais envie de vous passer notamment un titre qui était sur Monsters in Love, qui s'appelait Mon ombre et personne. On écoute ça tout de suite, c'est Dionysos sur RDB, et votre émission c'est Zik Actu. On parle de rock français aujourd'hui. Mon ombre est l'ombre d'un géant mort il y a longtemps. Elle ressemble fort à un arbre mort il y a longtemps. mon ombre est personne. Toutes les nuits, je l'arracherai bien. Elle croque le jour, elle change en nuit. Je n'ai pas vu le jour depuis longtemps. Mon ombre est personne. Comme une fleur, son râle est énorme. Mon ombre, j'ai dû la confondre avec celle du géant. Elle est énorme, mon ombre. Pourtant, je suis petit comme géant. J'ai un problème d'ombre. Elle crève mes épaules, souffle les lumières de la ville. Elle crève mes épaules, elle me crève. Mon ombre est personne. Voilà un excellent titre de Dionysos, c'était Mon ombre et personne. Et je repense à un petit détail, No One is Innocent qu'on a écouté juste avant sera en concert à La Voulte ce samedi. Voilà, à La Voulte sur Rhône. Donc Dionysos, moi c'était mes petits chouchous pendant un bon bout de temps. Et bon, ces derniers albums m'ont un peu déçu. Leurs derniers albums m'ont un peu déçu, mais ça reste un groupe à suivre. Ce groupe a la particularité de sortir des albums en même temps que un roman de Mathias Malzieu, en fait. Mathias Malzieu, donc le chanteur, guitariste, qui écrit aussi des romans. Donc c'est une autre conception du texte en musique, parce que du coup, c'est comme si les chansons étaient des extraits, en fait, des pauses musicales à l'intérieur des romans, en fait. Donc ça vaut le coup de faire l'expérience de lire le roman et d'écouter l'album. Il y a aussi une expérience cinématographique à vivre avec Dionysos, c'est Jacques et la mécanique du cœur, c'est un film d'animation qui est très très chouette. Et donc on retourne à l'actualité avec Vampire de l'amour. Vampire de l'amour, c'est un extrait de ce qui sera certainement leur prochain album. Donc la prochaine thématique, ça sera les vampires de l'amour. On écoute Dionysos avec Dionysos le cru 2015. C'est parti. Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit. Je dois embrasser pour toujours. Oh vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau mon ombre se cotise, se divise. Mon ombre, je pars. Fêtez. si tu n'étais pas qu'un vampire, vampire de l'amour, vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau, mon ombre se partit, se divise. Mon ombre, je pars en confetti. Donc Dionysos avec un extrait de leur prochain album qui sortira en 2016. L'album a priori s'appellera Vampire en pyjama. Voilà, ça sera pourquoi pas les nouvelles aventures de Dionysos. Nous verrons bien. Un petit mot sur le groupe Louise Attack dont on écoute en même temps une chanson que je trouve incroyable qui était sur leur deuxième album, l'album Comme on a dit. Louise Attack c'est quand même un beau nom aussi du rock français, même si c'est pas le groupe le plus rock, mais en tous les cas une belle conception de la mélodie. On écoute un petit extrait de La Plume. C'était donc Louise Attack en l'an 2000. 15 ans après, Louise Attack nous rattaque avec un titre qui s'appelle Anomalie et qui est vraiment très particulier. On en écoute un extrait. Seul ici, pas choisi d'être une anomalie. Va voir ailleurs et viens voir ici. Non, pas choisi d'être seul ici. Suis-je un humain sans futur? Un matériau à autour d'usure. J'ai pas voulu, pourtant c'est ainsi. J'ai pas choisi d'être seul ici. Si loin de moi, un grain de poussière ici-bas. Si loin de moi, un grain de poussière au combat. J'ai pas choisi d'être seul ici. C'est donc un extrait de Anomalie de Louise Attack, le retour donc sous le nom de Louise Attack, mais on sent clairement que c'est Gaëtan Roussel qui est aux commandes et j'ai un peu du mal avec ses productions ces dernières années, avec toujours un côté très répétitif, des fois à la limite d'être pénible à mon sens, mais chacun a le droit de se faire son avis. Écoutez donc ce titre en entier, Anomalie, je pense qu'on en entendra un peu parler. On continue avec les représentants. Non, je vais pas terminer cette phrase parce que je vais pas y arriver. En tous les représentantes, voilà, tout simplement. Et excusez-moi, il se fait tard et j'ai du mal à conjuguer tout ça. Les représentantes du rock français, donc au féminin. On peut pas terminer cette émission sans écouter Mademoiselle K. On écoute un extrait de son premier album, Ça me vexe, avec le titre Crève. Alors ça, vous allez voir, ça, c'est assez frontal. Assez frontal. C'était Mademoiselle K. On continue avec des outsiders, avec un peu les oubliés de la hype. Un groupe que j'adore qui s'appelle AS Dragon, qui a sorti deux albums. Le premier pour moi est quand même un grand grand album de rock français. On écoute le titre Mais pas chez moi, issu donc de l'album Spunked. C'est AS Dragon pour finir cette émission. Emmène-moi. Sans le bruit des murs, sans cette odeur cassée, j'ai passe rien, ça n'existe pas. On s'y sent mal et tout est fait pour ça. Chez moi le vent, il ne passe pas. C'est plein de choses qui ne sont pas pour toi. Bon, ce n'est rien, c'est bien pire que ça. C'est quelque chose que l'on n'oublie pas. Chez moi les gens, ils ne respirent pas. Et toi non plus, tu n'en sortirais pas. Quelque chose que l'on n'oublie pas. Chez moi les gens, ils ne respirent pas. Et toi non plus, tu n'en sortirais pas. Chez moi c'est rien, ça n'existe pas. On s'y sent mal et tout est fait pour ça. Chez moi le vent, il ne passe pas. C'est plein de choses qui ne sont pas pour toi. Mon soleil, c'est bien pris. C'est quelque chose que l'on n'oublie pas. Chez moi les gens, ils ne respirent pas. Et toi non plus, tu n'en sortirais pas. Et voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous aura rappelé plein de souvenirs et que le rock français vous plaît toujours autant. Moi, en tous les cas, ça me passionne toujours, même si c'est pas toujours facile de trouver des groupes actuellement qui font encore rêver. En tous les cas, je vous souhaite une bonne continuation dans l'écoute de RDB. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'album du mois. L'album du mois, allez, je vous le dis tout de suite, ça sera Loudoyon. À très bientôt, à la semaine prochaine.